On va faire ça bien, y en a qui vendent du sapin. Toi, que tu te plains au compte, ta soeur elle veut le tapin. Et je sais Rio, il me faut une bomba de Rio. J'ai mes périodes, dès que les côtes, suite au prochain épisode. On veut faire le tour de la terre, des terres, l'instru, il faut j'enterre. Il me faut de l'air et de l'air, je suis vers la rue pour de l'air. Je te plains aujourd'hui, mais fallait venir hier. Siro, pas de billard, et Joe, je suis pas le meilleur. Killer, je suis avec Yazid, mon guerrier. On a nos bras, on a nos pieds, faut qu'on avance, on nos pieds. Ok, t'es avec nous, ok, fais tes preuves, ok. Au fond, on a pas besoin de nouveaux verres ici. Ok, tous les faux, où les mettre? Loin, à des kilomètres, ils calculent au millimètre, des vis à force, je vais leur mettre. Je suis énervé, ça croit, je suis pas rappé, je vais leur montrer. Siro, casse peut-être rien de ton équipe va te contrer. C'est ça la vie, dis ce qu'ils sont avec toi, c'est des deux traits. Je vois que ça, je crois que l'ascenseur de ma vie est bien bloqué. Je vois le temps couler, elle s'est déshabillée. Je suis chaud à tout donner, je calcule pas le sablier. Vas-y, j'envoie de vive voix, j'avance, je vis, je vois des traits de mauvaise foi. J'ai aperçu plein de fois, des fois. J'ai des larmes en silence, envie d'appuyer sur l'arme. Ça influence l'homme, t'es pas la nuit comme un homme. C'est sombre pour que ça soit coloré, sans connerie. Les frères, je veux vous honorer, c'est pas pour colorier. Non, tu croyais pas qu'il fallait savoir bicoyer, t'es sur plein de strass. C'est toi et ta pète, t'es pas bien devant les palettes. Y'a des bas, y'a des hauts. J'ai les idéaux, j'ai les crocs, je le répète à chaque fois, je m'en fous, négro. Je suis le même dans n'importe quelle circonstance. C'est psychologique, on travaille dans la constance. Studio, studio, studio, qu'est-ce t'en penses? Faut que j'écris du lourd, monte le 11. Ah, hurle, c'est trop, c'est chaud, trop qui prennent la luge. J'ai ça, c'est trop bizarre, tu deviens tout rouge. Tu sais un truc, faut pas accoucher. Sortir sans rentrer, tu vas être fauché. Y'a des fous qui ont des mains de boucher. Chute, sinon, c'est touché, couché. Tu sais un truc, faut pas accoucher. Sortir sans rentrer, tu vas être fauché. Y'a des fous qui ont des mains de boucher. Chute, sinon, c'est touché, couché. Je repars de plus belle. Forcez courage à ceux qui galèrent, fouillez les poubelles. Maman, c'est la plus belle. J'arrive pour le mettre à tous, c'est des coups de pelle. Et je m'en bats les couilles, couilles, leur tête je casse. Vas-y, te casse après cette rime. Moi, je me casse. Moi, je me casse. Moi, je me casse. Après cette rime, moi, je me casse. C'est un peu temps de repartir. Thank you. traverser la zone. Pour vos rentos, bajou. 135 tu connais, la pointe tu connais. 135 tu connais. Je rêve de paradis, j'étais ne me dis pas m'enfer. J'ai tué mon cœur, mon ambition faut que je l'enferme. Personne n'est sincère, pas de retour d'ascenseur. Je cherche ta recette, faut que je m'en sors seul. Pas de sentiment, mais ta voix sera pas sensible. J'ai ce que j'ai à faire, rien n'est irréversible. J'avance dans l'ombre, pas tant défensive. Dans la pas dimension, j'agis, je suis pensif. On était passif, que c'est passé, ils nous bassinent. Mais leur carrière n'est que du plastique. Dans leur casting, dans leur tactile, on avance vite. On a plus le temps d'être réceptif. Alors les sangs, hein. Trop d'argent fait dans ta tristesse. Top dope de mon âge, mais t'es qu'un petit steak. Cade dans ma tête, crise identitaire. J'ai pas changé mes purées, les comme avant. Même des victimes prennent pour des commandants. En course poursuite avec la victoire. J'ai bien bonheur qu'on attend. Espoir dans mon cœur pour tous ces trains, j'ai pas le temps. La victoire c'est pour quand je fais désirer, je l'attends. Dans ton bac, je me dis, tout lâche pas trop et va attendre. Beaucoup d'insomnie, j'ai pas l'expérience d'un mec de 20 ans. Tant tout, faut que t'as la bichard d'un spé. C'est vrai que t'as le seum, tu baisses mon estime. Vu qu'en fait, ta soeur, pareil qu'elle est comme estime. Même ça, j'ai plus pour y voir dans ton collectif. Je me fais rare, j'ai pas les pieds sur terre, j'ai mes rêves en force, ça me fait mal. Schizophrène, je fais que mon côté flemmard, ça sera phénoménal, je verrai ce qui se passe au final. Je viens de demander de la machin, je me mets dans l'attente. Beaucoup moins dans le rente, l'argent devient pas, faut le prendre. Perds leur couille quand tu ne sens plus en banque. Mais tu peux gagner même en étant dans la mauvaise banque, les gars. J'suis pas humain, pas humain. J'suis pas humain, pas humain. J'suis pas humain, pas humain. Désolé, j'peux plus le nier. J'suis pas humain, pas humain. J'suis pas humain, pas humain. J'suis pas humain, pas humain. J'essayais de m'intégrer, ma fierté m'a humilié. J'essayais d'approcher mon cœur, mais le terrain est miné. J'essayais de m'intégrer, ma fierté m'a humilié. Ok, En force olympique, on se débrouille pour l'argent. Je calcule pas les passants, je dirais pas que j'ai pas de chance. Personne connaît réellement ma vie. J'ai vu de montrer ce que je trouve attachant. Laisse-moi faire le vide, je suis dans la bas dimension. Mais l'énorme mensonge, tu poignardes dans le dos. Je commence à comprendre pourquoi tu m'appelais mon sang. C'est catastrophique, faut bien que je me méfie. La ma chance au bout du fil, au bout du fil. Et si un fil aimerait que je la remercie, mais parle pas de ces gens. Sans raison, ils se prennent pour des légendes. On est trois dans ma tête, les deux ans sont bêtes et méchants. Toujours à la recherche d'une inaccessible. Je sais pas prendre ce que je peux facilement saisir. Le bonheur m'intrigue, ça va devenir ma cible. J'essaie de comprendre ce qui me ferait plaisir. Toujours à la recherche d'une inaccessible. Je sais pas prendre ce que je peux facilement saisir. Le bonheur m'intrigue, ça va devenir ma cible. J'essaie de comprendre ce qui me ferait plaisir. J'suis pas humain, pas humain. J'suis pas humain, pas humain. J'suis pas humain, pas humain. Désolé, j'peux plus nier. J'suis pas humain, pas humain. J'suis pas humain, pas humain. J'suis pas humain, pas humain. Désolé, j'peux plus nier. Eh, merci la zone. Merci le gym. Merci. Merci. Orly, il y a 35. Ça va freestyler. Merci à tous ceux qui soutiennent. On est ensemble, la famille. Force. Ok. Les journées passées, c'est les mêmes. Je suis dépassé, je pense au passé. À l'époque où je me demandais si j'allais redoubler ou passer, mais maintenant. Ouais, je pense à tout casser, faire un cash chez les bourses. Tu connais, près de Cassis. Ouais, tout a changé depuis l'époque des classeurs. Maintenant, on veut le classer pour la daronne, le classe E. Nardine ne moucle les crasseuses. Faut crosser tous ces crasseux que change d'équipe pour un crétin. Grandissant douceur, on s'est fait tout seul. Perdu à mauvais land pour trouver chemin, on faisait des boussoles. On se dit ce que je pense, je m'en fous de savoir comment c'est perçu. Même si le rap ça paie pas, nique sa mère, nous on persiste. On veut percer, on rêve de percer. Ici quand ça te trouve la pose pas pour te faire un piercing. Peur de personne, on nous perd seul. On veut te faire chez neuf, comme ce pote qui fume un perso. Et demande à nourrir, de K18 on arrive. Sur le rein t'es zéro ligne blanche car ça s'en met dans les narines. Prévenez les marines, la France est pas l'Amérique, maintenant c'est devenu banal voir deux hommes à la mairie. Bref, faut que les banals. Pourquoi? Ben parce qu'ils veulent pas qu'on fasse de Pascal. Le rap c'est un passe-temps, faut veste qui les imposteurs qui trahissent pour un gros der ou qui te veste qui pour de gros zèzes. Hey, ici ça se frappe comme Kennedy ou méfie-toi des gens qui parlent beaucoup mais en vrai ils connaissent rien. Pas trop content, je dois régler mes contentieux, y'a faux dans le compte courant. Mais qu'est-ce que tu me parles de ce compte en Suisse? Malgré tout ça on survit, les caméras nous surveillent, jugés par nos origines ou parce qu'on s'habille, on survêt tous les jours. C'est la même, je te l'ai dit, c'est la merde. Salope, la seule personne que je veux mettre bien, c'est ma mère. Quand je rappe, j'ai que tu kiffes, on veut se tailler à Kentucky. Crapulerie en caisse, je suis à trahir, ça hors de question. Pas trop bavard, hein. Quand tu tombes, ils diront bravo, mais qu'est-ce que tu me parles de brava? Tu peux pas serrer Al, ce que j'y serrais, elle, les keufs veulent nous serrer. Mais ils ont serré eux, on veut devenir de grosses PME. Pour l'instant, ça se tue au PMU. Pour le suite, quand tu sens permis, vendredi, tout est permis. Selon nos pères, man. Si le rap était un gosse, je serais son père, mec. Sur Marseille, on fesse pas, c'est à la peau qu'on te fesse qui. Mister Berg, tu veux me voir, mais de la bouche, tu sens les vestiaires. J'suis pas de ceux qui font style, pas trop festif. Hublot ou pas l'heure, c'est la même, même c'était une festina. Chacun sa destinée. Si je dis que dans ce monde y'a trop de salopes et que tu te sens visé, c'est que ce message t'était destiné. Si elle est si vraie, dis-moi, moi je t'estime, seulement si t'es estimable. Je me réveille toujours de bonheur, il fait froid, j'ai mis le bonnet. Oh la S abonné, pour percer faut plus d'abonnés. Au check à sa contrôle, normal qu'au studio les bonnes notes. Hein? En ce moment c'est la guerre, bas les reins d'avoir la cote, j'suis tellement à plat ventre. Hein? J'pourrais signer chez la cosse, à bibi la frappe appelée. La concu sous celle-là, dans la piste, elle va rien comme un aveugle qui regarde la télé. Je m'en hie comme un ovéto, nous tester mieux vaut éviter. Velcro, c'est un car, on n'a pas dégueulasse, appelez Louis Vuitton. C'est là, c'est pour Astina Lune, impossible de changer. Ce qu'on vit, c'est un film, c'est normal qu'un téléchargé. Quand elle a changé, à vrai dire, j'm'en bats les yeux, que j'arrive dans le game, sors ma bite et avec j'mets des balles, yeah. Yeah. Yeah. Orline, 1-3-5. Merci à tous ceux qui soutiennent. Ajoutez tous en ligne. Merci à tous ceux qui suivent depuis le début. On est ensemble. Force. Merci. Merci OG. Merci à tout le monde. Merci à Sky. Merci à tout le monde. Et merci bien. En ligne. Merci. Oui, oui. T'as fait des sous que t'as un don. Issu d'un quartier sombre, on aime les sommes, on aime le son. Ici des miss, donne info 06, elles ont le vice. Ils me rendent fou les clients qui veulent changer un disque. Léo 2, revête de bœuf, on aime pas les ports. Dos à dos pour un camp chez nous, à deux ça casse les ports. Moi je vais être riche, juste pour ma mère, je veux plus qu'un taf. Je suis parti de chez elle, ils lui ont coupé la cape. Je suis remonté contre l'état et les fils d'eux. Vendetta sur vendetta, on écrit ton nom, faites venir d'autres, veulent pas à moi. Je contrôle la place, gros séminé, la police du 5 connaît mon nom et moi aussi. Titi est gros miné, les nerfs à vie, j'ai rien demandé, me donne son avis. Frangin, moi, je veux pas perdre la vue, alors c'est comme ça. J'ai un projet, il te haïsse, je rigole trop, il te rabaisse. Tiens, monté, je suis en modeste, ça fait TB, ça rentre en tol. Début d'été, quand ça sort, ça frime en l'or, ça fait des frames, ça touche la taille, incognito. Les gros tétés, nous on aime ça, c'est des mythos, ils sont endettés. Dotés soit leur maman, alors c'est comment? Rapide, comme qu'il fait comment? Tu peux finir dans le coma si tu fais trop le commun. Et common, si tu crois que y'a bon pour toi, on a vu des stars tout part, on tire la main, tu crois t'es qui? Toi, t'es l'assise, car t'es assis, y'a les balances et les racines. Je vois au roupiné, je mange même du père assis. Et qu'est-ce qu'il y a? Gérangère, faut pas les déranger. Faut pas les déranger. Trop du cul. Pour ma mère, la seule unique. Ma vie, je la nique pour elle. Manque-toi, ça pour le gauche, je te nique. Je m'en bats avec des sirènes. Bonheur nous fuit. La paix aux fruits. Tous anti-police, on baisse la brigade sinophile. Nous, on mène une vitesse. Nous, on aime la vitesse. Faut que les limitations entraînent au PMU. On connaît rien à l'équitation. Je traîne qu'avec des mauvais garçons. Je représente les vrais qui s'habillent en imitation. C'est le son des pauvres, mon pote. Et merci.